Deuxième livre des rois, chapitre 19. Et il arriva que dès que le roi Ézéchia eut entendu ces choses, il déchira ses vêtements, et se couvrit d'un sac, et entra dans la maison de l'Éternel. Puis il envoya Eliakim, maître d'autel, et Sebna le secrétaire, et les anciens d'entre les sacrificateurs, couverts de sacs, vers Esaïe le prophète fils d'Amo. Et ils lui dirent, ainsi a dit Ézéchia, ce jour est un jour d'angoisse, et de répréhension, et de blasphème, car les enfants sont venus jusqu'à l'ouverture de la matrice, mais il n'y a point de force pour enfanter. Peut-être que l'Éternel ton Dieu, aura entendu toutes les paroles de Rabsaké, que le roi des Assyriens son maître, a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant, et pour l'outrager par les paroles que l'Éternel ton Dieu a entendues, fais donc une prière pour le reste qui se trouve encore. Les serviteurs donc du roi Ézéchia vinrent vers Esaïe. Esaïe leur dit, vous direz ainsi à votre maître, ainsi a dit l'Éternel, ne crains point pour les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi des Assyriens m'ont blasphémé. Voici, je m'en vais mettre en lui un tel esprit, qu'ayant entendu un certain bruit, il retournera en son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Or quand Rabsaké s'en fut retourné, il alla trouver le roi des Assyriens qui battait Libna, car il avait appris qu'il était parti de Lachish. Le roi donc des Assyriens eut des nouvelles touchant Tiraka roi d'Éthiopie, voilà, lui disait-on, il est sorti pour te combattre. C'est pourquoi il s'en retourna, mais il envoya des messagers à Ézéchia, en leur disant, vous parlerez ainsi à Ézéchia roi de Juda, et lui direz, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse point en te disant, Jérusalem ne sera point livrée entre les mains du roi des Assyriens. Voilà, tu as entendu ce que les rois des Assyriens ont fait à tous les pays en les détruisant entièrement, et tu échapperais? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, savoir de Gozan, de Caran, de Retsef, et des enfants des Dents, qui sont en Télazar, les ont-ils délivrés? Où est le roi de Hamath, le roi d'Arpa, et le roi de la ville de Sepharvajim, Anat, et Iwa? Et quand Ézéchia eut reçu les lettres de la main des messagers, et les eut lues, il monta dans la maison de l'Éternel, et Ézéchia les déploya devant l'Éternel. Puis Ézéchia fit sa prière devant l'Éternel, et dit, « Ô Éternel Dieu d'Israël, qui es assis entre les chérubins, toi seul es le Dieu de tous les royaumes de la terre, tu as fait les cieux et la terre. Ô Éternel, incline ton oreille, écoute, ouvre tes yeux, et regarde, et écoute les paroles de Sanchérib, et de celui qu'il a envoyé pour blasphémer le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois des Assyriens ont détruit ces nations-là, et leur pays, et qu'ils ont jeté cul-feu leurs dieux, car ce n'étaient point des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois, et de la pierre, c'est pourquoi ils les ont détruits. Maintenant donc, ô Éternel notre Dieu, je te prie, délivre-nous de la main de Sanchérib, afin que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi, ô Éternel, qui es le seul Dieu. Alors Esaïe fils d'Amo, envoya vers Ézéchia, pour lui dire, ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, je t'ai exaucé dans ce que tu m'as demandé, touchant Sanchérib roi des Assyriens, c'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. La vierge fille de Sion t'a méprisé, et s'est moquée de toi, la fille de Jérusalem a hoché la tête après toi. Qui as-tu outragé et blasphémé, contre qui as-tu élevé la voix, et levé les yeux en haut, c'est contre le Saint d'Israël. Tu as outragé le Seigneur par le moyen de tes messagers, et tu as dit, avec la multitude de mes chariots, je suis monté tout au haut des montagnes aux côtés du Liban, je couperai les plus hauts cèdres, et les plus beaux sapins qui y soient, et j'entrerai dans les logis qui sont à ses bouts, et dans la forêt de son Carmel. J'ai creusé des sources après avoir bu les eaux étrangères, et j'ai tari avec la plante de mes pieds tous les ruisseaux des forteresses. N'as-tu pas appris qu'il y a déjà longtemps que j'ai fait cette ville, et qu'anciennement je l'ai ainsi formée, et l'aurais-je maintenant amenée au point d'être réduite en désolation, et les villes munies, en monceaux de ruines? Il est vrai que leurs habitants étant sans force ont été épouvantés, et confus, et qu'ils sont devenus comme l'herbe des champs, comme l'herbe verte, et le foin des toits, et comme la moisson qui a été touchée de la brûlure, avant qu'elle soit crue en épi. Mais je sais ta demeure, ta sortie et ton entrée, et comment tu es forcené contre moi. Or parce que tu es forcené contre moi,